Chapitre 1er, Celtes et Ibères. Le caractère commun de toute la race gallique, dit Strabon d'après le philosophe Posidonius, c'est qu'elle est irritable et folle de guerre, prompte au combat. Du reste, simple et sans malignité. Si on les irrite, ils marchent ensemble droit à l'ennemi et l'attaquent de front sans s'occuper d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient aisément à bout. On les attire au combat quand on veut, peu importe les motifs. Ils sont toujours prêts. N'eussent-ils d'autres armes que leur force et leur audace? Toutefois, par la persuasion, ils se laissent amener sans peine aux choses utiles. Ils sont susceptibles de culture et d'instruction littéraire. Forts de leur haute taille et de leur nombre, ils s'assemblent aisément en grande foule, simples qu'ils sont et spontanés, prenant volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. Tel est le premier regard de la philosophie sur la plus sympathique et la plus perfectible des races humaines. Le génie de ces Galles ou Celtes n'est d'abord autre chose que mouvement, attaque et conquête. C'est par la guerre que se mêlent et se rapprochent les nations antiques. Peuple de guerre et de bruit, ils courent le monde, l'épée à la main, moins se semblent par avidité que par un vague et vain désir de voir, de savoir, d'agir. Brisant, détruisant faute de pouvoir produire encore. Ce sont les enfants du monde naissant, de grands corps mous, blancs et blonds, de l'élan, peu de force et d'haleine, jovialité féroce, espoir immense. Vain, n'ayant rien encore rencontré qui tint devant eux, ils voulurent aller voir ce que c'était que cet Alexandre, ce conquérant de l'Asie devant la face duquel les rois s'évanouissent d'effroi. « Que craignez-vous ? » leur demanda l'homme terrible. « Que le ciel ne tombe, » dirent-ils. Il n'en eut pas d'autre réponse. Le ciel lui-même ne les effrayait guère. Il lui lançait des flèches quand il tonnait. Si l'océan même se débordait et venait à eux, ils ne refusaient pas le combat et marchaient à lui l'épée à la main. C'était leur point d'honneur de ne jamais reculer. Ils s'obstinaient souvent à rester sous un toit embrasé. Aucune nation ne faisait meilleur marché de sa vie. On en voyait qui, pour quelque argent, pour un peu de vin, s'engageaient à mourir. Ils montaient sur une estrade, distribuaient à leurs amis le vin ou l'argent, se couchaient sur leurs boucliers et tendaient la gorge. Leur banquet ne se terminait guère sans bataille. La cuisse de la bête appartenant aux plus braves, chacun voulait être le plus brave. Leur plus grand plaisir, après celui de se battre, c'était d'entourer l'étranger, de le faire asseoir bon gré mal gré avec eux, de lui faire dire les histoires des terres lointaines. Ces barbares étaient insatiablement avides et curieux. Ils faisaient la presse des étrangers, les enlevaient des marchés et des routes et les forçaient de parler. Eux-mêmes, parleurs terribles, infatigables, abondants en figures, solennels et burlesquement graves dans leur prononciation gutturale, c'était une affaire dans leurs assemblées que de maintenir la parole à l'orateur au milieu des interruptions. Il fallait qu'un homme chargé de commander le silence marcha l'épée à la main sur l'interrupteur. À la troisième sommation, il lui coupait un bon morceau de son vêtement, de façon qu'il ne pût porter le reste. Une autre race, celle des Ibères, paraît de bonne heure dans le midi de la Gaule à côté des Galles et même avant eux. Ces Ibères, dont le type et la langue se sont conservés dans les montagnes des Basques, étaient un peuple d'un génie médiocre, laborieux, agriculteur, mineur, attaché à la terre pour en tirer les métaux et le blé. Rien n'indique qu'ils aient été primitivement aussi belliqueux qu'ils ont pu le devenir lorsque, refoulés dans les Pyrénées par les conquérants du Midi et du Nord, se trouvant malgré eux gardiens des défilés, ils ont été tant de fois traversés, froissés, durcis par la guerre. La tyrannie des Romains a pu une fois les pousser dans un désespoir héroïque. Mais généralement leur courage a été celui de la résistance, comme le courage des Gaulois celui de l'attaque. Les Ibères ne semblent pas avoir eu, comme eux, le goût des expéditions lointaines, des guerres aventureuses. Des tribus ibériennes émigrèrent, mais malgré elles, poussées par des peuples plus puissants. Les Galles et les Ibères formaient un parfait contraste. Ceux-ci avec leurs vêtements de poils noirs et leurs bottes tissues de cheveux. Les Galles, couverts de tissus éclatants, amis des couleurs voyantes et variées, comme le plaid des modernes Gaëls de l'Écosse, ou bien à peu près nus, chargeant leurs blanches poitrines et leurs membres gigantesques de massives chaînes d'or. Les Ibères étaient divisés en petites tribus montagnardes, qui, dit Strabon, ne se liguent guère entre elles par un excès de confiance dans leurs forces. Les Galles, au contraire, s'associaient volontiers en grandes hordes, campant en grands villages dans de grandes plaines tout ouvertes, se liant volontiers avec les étrangers, familiers avec les inconnus, parleurs, rieurs, orateurs, se mêlant avec tous et en tout, dissolus par légèreté, se roulant à l'aveugle au hasard dans les plaisirs infâmes. La brutalité de l'ivrognerie appartient plutôt aux Germains. Toutes les qualités, tous les vices d'une sympathie rapide. Il ne fallait pas trop se fier à ces joyeux compagnons. Ils ont aimé de bonne heure à gaber, comme on disait au Moyen-Âge. La parole n'avait pour eux rien de sérieux. Ils promettaient, puis riaient, et tout était dit. « Ridendo fidem frangere », citait Livre. Les Galles ne se contentèrent pas de refouler les Ibères jusqu'aux Pyrénées. Ils franchirent ces montagnes, s'établirent aux deux angles sud-ouest et nord-ouest de la péninsule sous leur propre nom. Au centre, se mêlant aux vaincus, ils prirent le nom de Celtibériens et de Lusitaniens. Alors, ou peut-être antérieurement, les tribus ibériennes des Sicanes et des Ligures passèrent d'Espagne en Gaule et en Italie. Mais en Italie comme en Espagne, les Galles les attaquèrent. Ceux-ci franchirent les Alpes sous le nom d'Ambra, vaillant. Resserrèrent les Ligures sur la côte montagneuse du Rhône à l'Arno et poussèrent les Sicanes jusqu'en Calabre et jusqu'en Sicile. Dans les deux péninsules, les Celtes, vainqueurs, se mêlèrent avec les habitants des plaines centrales, tandis que les Ibères, vaincus, se maintenaient aux extrémités, en Ligurie et en Sicile, aux Pyrénées et dans la Bétique. Les Galles Ambra de l'Italie occupaient la vallée du Pô et s'étendaient dans la péninsule jusqu'à l'embouchure du Tibre. Ils furent soumis dans la suite par les Raséna ou Étrusques, dont l'empire fut plus tard resserré entre la Macra, le Tibre et l'Apennin par de nouvelles émigrations celtiques. Tel était l'aspect du monde gallique. Cet élément, jeune, mou et flottant, fut de bonne heure en Italie et en Espagne, altéré par le mélange des indigènes. En Gaule, il eut roulé longtemps dans le flux et les reflux de la barbarie. Il fallait qu'un élément nouveau, venu du dehors, lui apportât un principe de stabilité, une idée sociale. Deux peuples étaient à la tête de la civilisation dans cette haute antiquité, les Grecs et les Phéniciens. L'Hercule de Tyr allait alors par toutes les mers, achetant, enlevant à chaque contrée ses plus précieux produits. Il ne négligea point le grenat fin de la côte des Gaules, le corail des îles d'Hyères. Il s'informa des mines précieuses que recélaient alors à fleur de terre les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes. Il vint et revint, et finit par s'établir. Attaqué par les fils de Neptune, Albion et Ligure, ces deux mots signifient montagnard, il aurait succombé si Jupiter n'eût suppléé ses flèches épuisées par une pluie de pierres. Ces pierres couvrent encore la plaine de la Cro, en Provence. Le dieu vainqueur fonda Nemosus, Nîmes, remonta le Rhône et la Saône, tua dans son repaire le brigand Taurisque qui infestait les routes et bâtit Alésia sur le territoire éduin, pays d'Autun. Avant son départ, il fonda la voie qui traversait le col de Tende et conduisait d'Italie par la Gaule en Espagne. C'est sur ces premières assises que les Romains bâtirent la Via Aurelia et la Domitia. ici comme ailleurs, les Phéniciens ne firent que frayer la route aux Grecs. Les Doriens de Rhodes succédèrent aux Phéniciens et furent eux-mêmes supplantés par les Ioniens de Phocée. Ceux-ci fondèrent Marseille. Cette ville, jetée si loin de la Grèce, subsista par miracle. Sur terre, elle était entourée de puissantes tribus gauloises et liguriennes qui ne lui laissaient pas prendre un pouce de terre sans combat. Sur mer, elle rencontrait les grandes flottes des Étrusques et des Carthaginois qui avaient organisé sur les côtes le plus sanguinaire monopole. L'étranger qui commerçait en Sardaigne devait être noyé. Tout réussit aux Marseillais. Ils eurent la joie de voir, sans tirer l'épée, la marine étrusque détruite dans une bataille par les Syracusains, puis l'Étrurie, la Sicile, Carthage, tous les états commerçants annulés par Rome. Carthage, en tombant, laissa une place immense que Marseille eût bien enviée. Mais il n'appartenait pas de reprendre un tel rôle à l'humble allié de Rome, à une cité sans territoire, à un peuple d'un génie honnête et économe, mais plus mercantile que politique, qui, au lieu de gagner et s'adjoindre les barbares du voisinage, fut toujours en guerre avec eux. Telles furent toutefois la bonne conduite et la persévérance des Massaliotes, qu'ils étendirent leurs établissements le long de la Méditerranée, depuis les Alpes-Maritimes jusqu'au Cap-Saint-Martin, c'est-à-dire jusqu'aux premières colonies carthaginoises. Ils fondèrent Monaco, Nice, Antibes, Éaube, Saint-Gilles, Agde, Ampurias, Dénia et quelques autres villes. Pendant que la Grèce commençait la civilisation du littoral méridional, la Gaule du Nord recevait la sienne des Celtes eux-mêmes. Une nouvelle tribu celtique, celle des Cimbris, vint s'ajouter à celle des Galles. Les nouveaux venus qui s'établirent principalement au centre de la France, sur la Seine et la Loire, avaient, ce semble, plus de sérieux et de suite dans les idées. Moins indisciplinables, ils étaient gouvernés par une corporation sacerdotale, celle des druides. La religion primitive des Galles, que le druidisme Cymric vint remplacer, était une religion de la nature, grossière sans doute encore, et bien loin de la forme systématique qu'elle put prendre dans la suite chez les Gaëls d'Irlande. Celle des druides Cymric, autant que nous pouvons l'entrevoir à travers les sèches indications des auteurs anciens et dans les traditions fort altérées des Cimbris modernes du pays de Galles, avaient une tendance morale beaucoup plus élevée. Ils enseignaient l'immortalité de l'âme. Toutefois, le génie de cette race était trop matérialiste pour que de telles doctrines y portassent leurs fruits de bonheur. Les druides ne purent la faire sortir de la vie de clan. Le principe matériel, l'influence des chefs militaires, subsista à côté de la domination sacerdotale. La Gaule Cimbrique ne fut qu'imparfaitement organisée. La Gaule gallique ne le fut pas du tout. Elle échappa aux druides et, par le Rhin, par les Alpes, elle déborda sur le monde. C'est à cette époque que l'histoire place les voyages de Sigovèse et de Bélovèse, neveux du roi des Bituriges Ambiga, qui aurait conduit les Galles en Germanie et en Italie. Ils allèrent, sans autre guide que les oiseaux dont ils observaient le vol. Dans une autre tradition, c'est un mari jaloux, un harin étrusque, qui, pour se venger, fait goûter du vin aux barbares. Le vin leur parut bon et ils le suivirent au pays de la vigne. Ces premiers émigrants, Édouès, Arverne et Bituriges, peuple gallique de Bourgogne, d'Auvergne, de Berry, s'établissent en Lombardie malgré les Étrusques et prennent le nom de Isambra, Isombrien, Insubrien, synonyme de Galles. C'était le nom des anciens Galles ou Ambra, Imbrien, que les Étrusques avaient assujettis. Leurs frères, les Olers, Carnutes et Cénomans, Mansos et Chartrins, viennent ensuite sous un chef appelé l'Ouragan, se font un établissement aux dépens des Étrusques de Vénétie et fondent Brixia et Vérone. Enfin, les Cimbris, jaloux des conquêtes des Galles, passent les Alpes à leur tour, mais la place est prise dans la vallée du Pô. Il faut qu'ils aillent jusqu'à l'Adriatique. Ils fondent Bologne et Sénagalia, ou plutôt ils s'établissent dans les villes que les Étrusques avaient déjà fondées. Les Galles étaient étrangers à l'idée de la cité, mesurée, figurée d'après des notions religieuses et astronomiques. Leurs villes n'étaient que de grands villages ouverts, comme Mediolanum, Milan. Le monde gallique est le monde de la tribu, le monde étrusco-romain, celui de la cité. Voilà la tribu et la cité en présence dans ce champ clos de l'Italie. D'abord, la tribu a l'avantage. Les Étrusques sont resserrés dans l'Étrurie proprement dite, et les Gaulois les y suivent bientôt. Ils passent l'Apennin, avec leurs yeux bleus, leurs moustaches fauves, leurs colliers d'or sur leurs blanches épaules, ils viennent défiler devant les murailles cyclopéennes des Étrusques épouvantés. Ils arrivent devant Clusium et demandent des terres. On sait qu'en cette occasion, les Romains intervinrent pour les Étrusques, leurs anciens ennemis, et qu'une terreur panique livra Rome aux Gaulois. Ils furent bien étonnés, dit Titélive, de trouver la ville déserte. Plus étonnés encore de voir aux portes des maisons les vieillards qui siégeaient majestueusement en attendant la mort. Les Gaulois se familiarisèrent peu à peu avec ces figures immobiles qui leur avaient imposé d'abord. Un d'eux s'avisa, dans sa jovialité barbare, de caresser la barbe d'un de ces fiers sénateurs qui répondit par un coup de bâton. Ce fut le signal du massacre. La jeunesse, qui s'était enfermée dans le Capitole, résista quelque temps et finit par payer rançon. C'est du moins la tradition la plus probable. Les Romains ont préféré l'autre. Titélive assure que Camille vengea sa patrie par une victoire et massacra les Gaulois sur les ruines qu'ils avaient faites. Ce qui est plus sûr, c'est qu'ils restèrent dans le Latium, à Tibur même, à la porte de Rome. Titélive appelle Tibur Arcem Gallici Belli. C'est dans cet intervalle qu'auraient eu lieu les duels héroïques de Valerius Corvus et de Manlius Torquatus contre des géants gaulois. Les dieux s'en mêlèrent. Un corbeau sacré donna la victoire à Valerius. Manlius arracha le collier, Torques, à l'insolent qui avait défié les Romains. Longtemps après, c'était une image populaire. On voyait sur le bouclier cimbrique, devenu une enseigne de boutique, les figures du barbare qui gonflait les joues et tirait la langue. La cité devait l'emporter sur la tribu, l'Italie sur la Gaule. Les Gaulois, chassés du Latium, continuèrent les guerres, mais comme mercenaires au service de l'Étrurie. Ils prirent part, avec les Étrusques et les Samnites, à cette terrible bataille de Sentinum et du lac Vadimont, qui assurèrent à Rome la domination de l'Italie et par suite celle du monde. Ils y montrèrent leur vaine et brutale audace, combattant tout nus contre des gens bien armés, heurtant à grand bruit de leurs chars de guerre les masses impénétrables des légions, opposant au terrible pilum de mauvais sabres qui ployaient au premier coup. C'est l'histoire commune de toutes les batailles gauloises. Jamais ils ne se corrigèrent. Il fallut toutefois de grands efforts aux Romains et le dévouement de Decius. À la fin, ils pénétrèrent à leur tour chez les Gaulois, reprirent la rançon du Capitole et placèrent une colonie dans le bourg principal des Sénonées, vaincus à Séna sur l'Adriatique. Toute cette tribu fut exterminée, de façon qu'il ne resta pas un des fils de ceux qui se vantaient d'avoir brûlé Rome. Ces revers des Gaulois d'Italie doivent peut-être trouver leur explication dans la part que leurs meilleurs guerriers auraient prise à la grande migration des Gaulois transalpins vers la Grèce et l'Asie, en 281. Notre Gaule était comme ce vase de la mythologie galloise où boue et déborde incessamment la vie. Elle recevait par torrent la barbarie du Nord pour la verser aux nations du Midi. Après l'invasion druidique des Cimbris, elle avait subi l'invasion guerrière des Belges ou Bolgues. Ceux-ci, les plus impétueux des Celtes, comme les Irlandais leurs descendants, avaient de la Belgique percé leur route à travers les Galles et les Cimbris jusqu'au Midi, jusqu'à Toulouse, et s'étaient établis en Languedoc sous les noms d'Arécomique et de Tectosage. C'est de là qu'ils prirent leur chemin vers une conquête nouvelle. Gall, Cimbris, quelques Germains même, descendirent avec eux la vallée du Danube. Cette nuée alla s'abattre sur la Macédoine. Le monde de la cité antique, qui se fortifiait en Italie par les progrès de Rome, s'était brisé en Grèce depuis Alexandre. Toutefois, cette petite Grèce était si forte d'art et de nature, si dense, si serrée de villes et de montagnes, qu'on y entrait guère impunément. La Grèce est faite comme un piège à trois fonds. Vous pouvez entrer et vous trouver pris en Macédoine, puis en Thessalie, puis entre les Thermopyles et l'Isthme. Les barbares envahirent avec succès la Thrace et la Macédoine, y firent d'épouvantables ravages, passèrent encore les Thermopyles et vinrent échouer contre la roche sacrée de Delphes. Le dieu défendit son temple. Il suffit d'un orage et des quartiers de roche que roulèrent les assiégés pour mettre les Gaulois en déroute. Gorgés de vin et de nourriture, ils étaient déjà vaincus par leurs propres excès. Une terreur panique les saisit dans la nuit. Leur brenne, ou chef, leur recommanda, pour faciliter leur retraite, de brûler leurs chariots et d'égorger leurs 10 000 blessés. Puis il but d'autant et se poignarda. Mais les siens ne purent jamais se tirer de tant de montagnes et de passages difficiles au milieu d'une population acharnée. D'autres Gaulois, mêlés de Germains, les Tectosages, Trocme et Tolistoboï, eurent plus de succès au-delà du Bosphore. Ils se jetèrent dans cette grande Asie, au milieu des querelles des successeurs d'Alexandre. Le roi de Bithynie, Nicomède, et les villes grecques qui se soutenaient avec peine contre les Séleucides, achetèrent le secours des Gaulois, secours intéressé et funeste comme on le vit bientôt. Ces hôtes terribles se partagèrent l'Asie mineure à piller et à rançonner. Au Trocme, l'Hellespont, au Tolistoboï, les côtes de la mer Égée. Le Midi, au Tectosage. Voilà nos Gaulois retournés au berceau des Cimbris, non loin du Bosphore cimérien. Les voilà établis sur les ruines de Troie et dans les montagnes de l'Asie mineure, où les Français mèneront la croisade tant de siècles après, sous le drapeau de Godefroy de Bouillon et de Louis le Jeune. Pendant que ces Gaulois se gorgent et s'engraissent dans la molle Asie, les autres vont partout, cherchant fortune. Qui veut un courage aveugle et du sang à bon marché, achète des Gaulois. Prolifique et belliqueuse nation, qui suffit à tant d'armées et à tant de guerres. Tous les successeurs d'Alexandre ont des Gaulois, Pyrrhus surtout, l'homme des aventures et des succès avortés. Carthage en a aussi dans la première guerre punique. Elle les paya mal, comme on sait, et ils eurent grande part à cette horrible guerre des mercenaires. Le Gaulois Autharite fut un des chefs révoltés. Rome profita des embarras de Carthage et de l'entracte des deux guerres puniques pour accabler les Ligures et les Gaulois d'Italie. Les Liguriens, cachés au pied des Alpes, entre le Var et la Macra, dans des lieux hérissés de buissons sauvages, étaient plus difficiles à trouver qu'à vaincre. Race d'hommes agiles et infatigables, peuple moins guerrier que brigands, qui mettaient leur confiance dans la vitesse de leur fuite et la profondeur de leur retraite. Tous ces farouches montagnards, Saliens, Décéates, Euburiates, Oxibiens, Ingônes, échappèrent longtemps aux armes romaines. Enfin, le consul Fulvius incendia leurs repères. Bébius les fit descendre dans la plaine et Postumius les désarma, leur laissant à peine du fer pour labourer leurs champs. 238-233 avant Jésus-Christ. Depuis un demi-siècle que Rome avait exterminé le peuple des Sénons, le souvenir de ce terrible événement ne s'était point effacé chez les Gaulois. Deux rois des Boïes, pays de Bologne, Hattes et Galles, avaient essayé d'armer le peuple pour s'emparer de la colonie romaine d'Ariminum. Ils avaient appelé d'au-delà des Alpes des Gaulois mercenaires. Plutôt que d'entrer en guerre contre Rome, les Boïes tuèrent les deux chefs et massacrèrent leurs alliés. Rome, inquiète des mouvements qui avaient lieu chez les Gaulois, les irrita en défendant tout commerce avec eux, surtout celui des armes. Leur mécontentement fut porté au comble par une proposition du tribun Flaminius. Il demanda que les terres conquises sur les Sénons depuis 50 ans fussent enfin colonisées et partagées au peuple. les Boïs, qui savaient par la fondation d'Ariminum tout ce qu'il en coûtait d'avoir les Romains pour voisins, se repentirent de n'avoir pas pris l'offensive et voulurent former une ligue entre toutes les nations du nord de l'Italie. Mais les Vénètes, peuple slave, ennemis des Gaulois, refusèrent d'entrer dans la ligue. Les Ligures étaient épuisés, les Cénomans secrètement vendus aux Romains. Les Boïs et les Insubres, Bologne et Milan, restés seuls, furent obligés d'appeler d'au-delà des Alpes des Gésates, des Gaïsda, hommes armés de guets ou épieux, qui se mettaient volontiers à la solde des riches tribus gauloises de l'Italie. On entraîna, à force d'argent et de promesses, leurs chefs, Anéroeste et Concolitan. Les Romains, instruits de tout par les Cénomans, s'alarmèrent de cette ligue. Le Sénat fit consulter les livres sibyllins, et l'on y lut avec effroi que deux fois les Gaulois devaient prendre possession de Rome. On crut détourner ce malheur en enterrant tout vif deux Gaulois, un homme et une femme, au milieu même de Rome dans le marché aux bœufs. De cette manière, les Gaulois avaient pris possession du sol de Rome, et l'oracle se trouvait accompli ou éludé. La terreur de Rome avait gagné l'Italie entière. Tous les peuples de cette contrée se croyaient également menacés par une effroyable invasion de barbares. Les chefs gaulois avaient tiré de leurs temples les drapeaux relevés d'or qu'ils appelaient les immobiles. Ils avaient juré solennellement, et fait jurer à leurs soldats, qu'ils ne détacheraient pas leurs baudriers avant d'être montés au Capitole. Ils entraîneraient tout sur leur passage, troupeaux, laboureurs, garrottés, qu'ils faisaient marcher sous le fouet. Ils emportaient jusqu'aux meubles des maisons. Toute la population de l'Italie centrale et méridionale se leva spontanément pour arrêter un pareil fléau, et 770 000 soldats se tinrent prêts à suivre, s'il le fallait, les aigles de Rome. Des trois armées romaines, l'une devait garder les passages des Apennins qui conduisent en Étrurie. Mais déjà les Gaulois étaient au cœur de ce pays et à trois journées de Rome, 225. Craignant d'être enfermés entre la ville et l'armée, les barbares revinrent sur leurs pas, tuèrent 6 000 hommes aux Romains qui les poursuivaient, et ils les auraient détruits si la seconde armée ne se fût réunie à la première. Ils s'éloignèrent alors pour mettre leur butin en sûreté. Déjà, ils s'étaient retirés jusqu'à la hauteur du cap Télamone, lorsque, par un étonnant hasard, une troisième armée romaine, qui revenait de la Sardaigne, débarqua près du camp des Gaulois qui se trouvèrent enfermés. Ils firent face des deux côtés à la fois. Les Gésates, par bravade, mirent bas tout vêtement, se placèrent nus au premier rang avec leurs armes et leurs boucliers. Les Romains furent un instant intimidés du bizarre spectacle et du tumulte que présentait l'armée barbare. Outre une foule de cors et de trompettes qui ne cessaient de sonner, il s'éleva tout à coup un tel concert de hurlements que non seulement les hommes et les instruments, mais la terre même et les lieux d'alentour semblaient à l'envi pousser des cris. Il y avait encore quelque chose d'effrayant dans la contenance et les gestes de ces corps gigantesques qui se montraient au premier rang, sans autres vêtements que leurs armes. On n'en voyait aucun qui ne fût paré de chaînes, de colliers et de bracelets d'or. L'infériorité des armes gauloises donna l'avantage aux Romains. Le sabre gaulois ne frappait que de taille, et il était de si mauvaise trempe qu'il pliait au premier coup. Les Boïs, ayant été soumis par suite de cette victoire, les légions passèrent le Pô pour la première fois, et entrèrent dans le pays des Insubriens. Le fougueux Flaminius y aurait péri s'il n'eût trompé les barbares par un traité, jusqu'à ce qu'il se trouvât en force. Rappelé par le Sénat, qui ne l'aimait pas et qui prétendait que sa nomination était illégale, il voulut vaincre ou mourir, rompit le pont derrière lui et remporta sur les Insubriens une victoire signalée. C'est alors qu'il ouvrit les lettres où le Sénat lui présageait une défaite de la part des dieux. Son successeur Marcellus était un brave soldat. Il tua en combat singulier le Brenne Virdumar et consacra à Jupiter Férécien les secondes dépouilles Opimes depuis Romulus. Les Insubriens furent réduits, 222, et la domination des Romains s'étendit sur toute l'Italie jusqu'aux Alpes. Tandis que Rome croit tenir sous elle les Gaulois d'Italie terrassés, voilà qu'Hannibal arrive et les relève. Le rusé carthaginois en tira bon parti. Il les place au premier rang, leur fait passer bon gré mal gré les marais d'Étrurie. Les Numides les poussent l'épée dans les reins. Ils ne s'en battent pas moins à Thrasymène, à Cannes. Hannibal gagne ses grandes batailles avec le sang des Gaulois. Une fois qu'il lui manque, lorsqu'il se trouve isolé d'eux dans le midi de l'Italie, il ne peut plus se mouvoir. Cette Gaule italienne était si vivace qu'après les revers d'Hannibal, elle remue encore sous Hasdrubal, sous Magon, sous Hamilcar. Il fallut 30 ans de guerre, 201-170, et la trahison des Cénomans pour consommer la ruine des Boïs et des Insubriens, Bologne et Milan. Encore les Boïs émigrèrent-ils plutôt que de se soumettre. Les débris de leurs 112 tribus se levèrent en masse et allèrent s'établir sur les bords du Danube, au confluent de ce fleuve et de la Save. Rome déclara solennellement que l'Italie était fermée aux Gaulois. Cette dernière et terrible lutte eut lieu pendant les guerres de Rome contre Philippe et Antiochus. Les Grecs s'imaginaient alors qu'ils étaient la grande pensée de Rome. Ils ne savaient pas qu'elle n'employait contre eux que la moindre partie de ses forces. Ce fut assez de 2 légions pour renverser Philippe et Antiochus, tandis que, pendant plusieurs années de suite, on envoya les 2 consuls, les 2 armées consulaires, contre les obscures peuplades des Boïs et des Insubriens. Rome raidit son bras contre la Gaule et l'Espagne. Il lui suffit de toucher du doigt les successeurs d'Alexandre pour les faire tomber. Avant de sortir de l'Asie, elle abattit le seul peuple qui eût pu y renouveler la guerre. Les Galates, établis en Phrygie depuis 1 siècle, s'y étaient enrichis aux dépens de tous les peuples voisins sur lesquels ils levaient des tribus. Ils avaient entassé les dépouilles de l'Asie mineure dans leur retraite du mont Olympe. Un fait caractérise l'opulence et le faste de ces barbares. Un de leurs chefs, ou tétrarques, publia que pendant 1 année entière, ils tiendraient table ouverte à tout venant. Et non seulement il traita la foule qui venait des villes et des campagnes voisines, mais il faisait arrêter et retenir les voyageurs jusqu'à ce qu'ils se fussent assis à sa table. Quoique la plupart d'entre les Galates eussent refusé de secourir Antiochus, le préteur Manlius attaqua leurs 3 tribus, Troème, Tolistoboï, Tectosage, et les força dans leurs montagnes avec des armes de trait auxquels les Gaulois, habitués à combattre avec le sabre et la lance, n'opposaient guère que des cailloux. Manlius leur fit rendre les terres enlevées aux alliés de Rome, les obligea de renoncer au brigandage et leur imposa l'alliance d'Eumène qui devait les contenir. Ce n'était pas assez que les Gaulois fussent vaincus dans leurs colonies d'Italie et d'Asie. Si les Romains ne pénétraient dans la Gaule, ce foyer des invasions barbares. Ils y furent appelés d'abord par leurs alliés, les Grecs de Marseille, toujours en guerre avec les Gaulois et les Ligures du voisinage. Rome avait besoin d'être maîtresse de l'entrée occidentale de l'Italie qu'occupaient les Ligures du côté de la mer. Elle attaqua les tribus dont Marseille se plaignait, puis celles dont Marseille ne se plaignait pas. Elle donna la terre aux Marseillais et garda les postes militaires, celui d'Aix entre autres, où Sextius fonda la colonie d'Aquae Sextiae. De là, elle regarda dans les Gaules. 2 vastes confédérations se partageaient ce pays. D'une part, les Éduins, peuple que nous verrons plus loin étroitement unis avec les tribus des Carnutes, des Parisies, des Cénones, etc. D'autre part, les Arvernes et les Allobroges. Les premiers semblent être les gens de la plaine, les Cimbris, soumis à l'influence sacerdotale, le parti de la civilisation. Les autres, montagnards de l'Auvergne et des Alpes, sont les anciens Galles, autrefois resserrés dans les montagnes par l'invasion cimbrique, mais redevenus prépondérants par leur barbarie même et leur attachement à la vie de clan. Les clans d'Auvergne étaient alors réunis sous un chef ou roi nommé Bituite. Ces montagnards se croyaient invincibles. Bithuit envoya aux généraux romains une solennelle ambassade pour réclamer la liberté d'un des chefs prisonniers. On y voyait sa meute royale composée d'énormes dogues tirés à grands frais de la Belgique et de la Bretagne. L'ambassadeur, superbement vêtu, était environné d'une troupe de jeunes cavaliers éclatant d'or et de pourpre. À son côté se tenait un barde, la rote en main, chantant par intervalles la gloire du roi, celle de la nation arverne et les exploits de l'ambassadeur. Les Éduains virent avec plaisir l'invasion romaine. Les Marseillais s'entremirent et leur obtinrent le titre d'alliés et amis du peuple romain. Marseille avait introduit les Romains dans le Midi des Gaules. Les Éduains leur ouvrirent la Celtique, ou Gaule centrale, et plus tard les Rémis la Belgique. Les ennemis de Rome se hâtèrent avec la précipitation gallique et furent vaincus séparément sur les bords du Rhône. Le char d'argent de Bithuit et sa meute de combat ne lui servirent pas de grand-chose. Les Arvernes seuls étaient pourtant 200 000, mais ils furent effrayés par les éléphants des Romains. Bithuit avait dit avant la bataille, en voyant la petite armée romaine resserrée en légion, « Il n'y en a pas là pour un repas de mes chiens. » Rome mit la main sur les Allobroges, les déclara ses sujets, s'assurant ainsi de la porte des Alpes. Le proconsul Domitius restaura la voie phénicienne et l'appela Domitia. Les consuls qui suivirent n'eurent qu'à pousser vers le couchant entre Marseille et les Arvernes, année 120-118. Ils s'acheminèrent vers les Pyrénées et fondèrent presque à l'entrée de l'Espagne une puissante colonie Narbo-Martius, Narbonne. Ce fut la seconde colonie romaine hors de l'Italie. La première avait été envoyée à Carthage. Jointe à la mer par de prodigieux travaux, elle eut, à l'imitation de la métropole, son Capitole, son Sénat, ses thermes, son amphithéâtre. Ce fut la Rome gauloise et la rivale de Marseille. Les Romains ne voulaient plus que leur influence dans les Gaules dépendît de leur ancien allié. Ils s'établissaient paisiblement dans ces contrées, lorsqu'un événement imprévu, immense, effroyable, comme un cataclysme du globe, faillit tout emporter et l'Italie elle-même. Ce monde barbare que Rome avait rembarré dans le nord d'une si rude main, il existait pourtant. Ces Cimbris, qu'elle avait exterminés à Bologne et Sénégalia, ils avaient des frères dans la Germanie. Gaulois et Allemands, Cimbris et Teutons, fuyant, dit-on, devant un débordement de la Baltique, se mirent à descendre vers le Midi. Ils avaient ravagé toute l'Illyrie, battu aux portes de l'Italie un général romain qui voulait leur interdire le Norique et tourné les Alpes par l'Helvétie dont les principales populations, Ombriens et Ambrons, Tigurins, Zurich, Étugène, Zug, grossirent leur horde. Tous ensemble pénétrèrent dans la Gaule, au nombre de 300 000 guerriers. Leurs familles, vieillards, femmes et enfants, suivaient dans des chariots. Au nord de la Gaule, ils retrouvèrent d'anciennes tribus cimbriques et leur laissèrent, dit-on, en dépôt, une partie de leur butin. Mais la Gaule centrale fut dévastée, brûlée, affamée sur leur passage. Les populations des campagnes se réfugièrent dans les villes pour laisser passer le torrent et furent réduites à une telle disette qu'on essaya de se nourrir de chair humaine. Les barbares, parvenus au bord du Rhône, apprirent que de l'autre côté du fleuve, c'était encore l'Empire romain dont ils avaient déjà rencontré les frontières en Illyrie, en Thrace, en Macédoine. L'immensité du grand empire du Midi les frappa d'un respect superstitieux. Avec cette simple bonne foi de la race germanique, ils dirent au magistrat de la province, M. Silanus, que si Rome leur donnait des terres, ils se battraient volontiers pour elles. Silanus répondit fièrement que Rome n'avait que faire de leur service, passa le Rhône et se fit battre. Le consul P. Cassius, qui vint ensuite défendre la province, fut tué. Scaurus, son lieutenant, fut pris et l'armée passa sous le joug des Helvètes, non loin du lac de Genève. Les barbares enhardis voulaient franchir les Alpes. Ils agitaient seulement si les Romains seraient réduits en esclavage ou exterminés. Dans leur bruyant débat, ils s'avisèrent d'interroger Scaurus, leur prisonnier. Sa réponse hardie les mit en fureur, et l'un d'eux le perça de son épée. Toutefois, ils réfléchirent, et ajournèrent le passage des Alpes. Les paroles de Scaurus furent peut-être le salut de l'Italie. Les Gaulois tectosages de Tolosa, unis aux Cimbres par une origine commune, les appelaient contre les Romains dont ils avaient secoué le joug. La marche des Cimbres fut trop lente. Le consul C. Servilius Scipion pénétra dans la ville et la saccagea. L'or et l'argent rapportés jadis par les tectosages du pillage de Delphes, celui des mines des Pyrénées, celui que la piété des Gaulois clouait dans un temple de la ville ou jeté dans un lac voisin, avait fait de Tolosa la plus riche ville des Gaules. Scipion en tira, dit-on, 110 000 livres pesant d'or et 1 500 000 d'argent. Il dirigea ce trésor sur Marseille et le fit enlever sur la route par des gens à lui qui massacrèrent l'escorte. Ce brigandage ne profita pas. Tous ceux qui avaient touché cette proie funeste finirent misérablement. Et quand on voulait désigner un homme dévoué à une fatalité implacable, on disait « Il a de l'or de Tolosa ». D'abord, Scipion, jaloux d'un collègue inférieur par la naissance, veut camper et combattre séparément. Il insulte les députés que les barbares envoyaient à l'autre consul. Ceux-ci, bouillant de fureur, dévouent solennellement aux dieux tout ce qui tombera entre leurs mains. De 80 000 soldats, de 40 000 esclaves ou valets d'armée, il n'échappa, dit-on, que 10 hommes. Scipion fut des 10. Les barbares tinrent religieusement leur serment. Ils tuèrent dans les deux camps tout être vivant, ramassèrent les armes et jetèrent l'or et l'argent, les chevaux même, dans le Rhône. Cette journée, aussi terrible que celle de Cannes, leur ouvrait l'Italie. La fortune de Rome les arrêta dans la province et les détourna vers les Pyrénées. De là, les Cimbres se répandirent sur toute l'Espagne, tandis que le reste des barbares les attendait dans la Gaule. Pendant qu'ils perdent ainsi le temps et vont se briser contre les montagnes et l'opiniâtre courage des Celtibériens, Rome épouvantée avait appelé Marius de l'Afrique. Il ne fallait pas moins que l'homme d'Arpinum, en qui tous les Italiens voyaient un des leurs, pour rassurer l'Italie et l'armer unanimement contre les barbares. Ce dur soldat, presque aussi terrible au sien qu'à l'ennemi, farouche comme les Cimbres qu'il allait combattre, fut pour Rome un dieu sauveur. Pendant 4 ans que l'on attendit les barbares, le peuple, ni même le Sénat, ne put se décider à nommer un autre consul que Marius. Arrivé dans la province, il endurcit d'abord ses soldats par de prodigieux travaux. Il leur fit creuser la Fossa Mariana qui facilitait ses communications avec la mer et permettait aux navires d'éviter l'embouchure du Rhône barré par les sables. En même temps, il accablait les tectosages et s'assurait de la fidélité de la province avant que les barbares se remissent en mouvement. Enfin, ceux-ci se dirigèrent vers l'Italie, le seul pays de l'Occident qui eût encore échappé à leurs ravages. Mais la difficulté de nourrir une si grande multitude les obligea de se séparer. Les Cimbres et les Tigurins tournèrent par l'Helvétie et le Norique. Les Ambrons et les Teutons, par un chemin plus direct, devaient passer sur le ventre aux légions de Marius, pénétrer en Italie par les Alpes-Maritimes et retrouver les Cimbres au bord du Pô. Dans le camp retranché, d'où il les observait, d'abord près d'Arles, puis sous les murs d'Aquae Sextiae, Aix, Marius leur refusa obstinément la bataille. Il voulait habituer les siens à voir ces barbares avec leur taille énorme, leurs yeux farouches, leurs armes et leurs vêtements bizarres. Leur roi Teutobochus franchissait d'un saut 4 et même 6 chevaux mis de front. Quand il fut conduit en triomphe à Rome, il était plus haut que les trophées. Les barbares, défilant devant les retranchements, défiaient les Romains par 1000 outrages. « N'avez-vous rien à dire à vos femmes ? » disait-il. « Nous serons bientôt auprès d'elles. » Un jour, un de ces géants du Nord vint jusqu'aux portes du camp provoquer Marius lui-même. Le général lui fit répondre que s'il était là de la vie, il n'avait qu'à s'aller pendre. Et comme le Teuton insistait, il lui envoya un gladiateur. Ainsi, il arrêtait l'impatience des siens, et cependant il savait ce qui se passait dans leur camp par le jeune Sertorius, qui parlaient leur langue et se mêlaient à eux sous l'habit gaulois. Marius, pour faire plus vivement souhaiter la bataille à ses soldats, avait fait placer son camp sur une colline sans eau qui dominait un fleuve. « Vous êtes des hommes, leur dit-il, et vous aurez de l'eau pour du sang. » Le combat s'engagea en effet bientôt au bord du fleuve. Les Ambrons, qui étaient seuls dans cette première action, étonnèrent d'abord les Romains par leurs cris de guerre qu'ils faisaient retentir comme un mugissement dans leurs boucliers. « Ambrons ! Ambrons !» Les Romains vainquirent pourtant, mais ils furent repoussés du camp par les femmes des Ambrons. Elles s'armèrent pour défendre leur liberté et leurs enfants, et elles frappaient du haut de leurs chariots sans distinction d'amis ni d'ennemis. Toute la nuit, les barbares pleurèrent leurs morts avec des hurlements sauvages qui, répétés par les échos des montagnes et du fleuve, portaient l'épouvante dans l'âme même des vainqueurs. Le surlendemain, Marius les attira par sa cavalerie à une nouvelle action. Les Ambrons teutons, emportés par leur courage, traversèrent la rivière et furent écrasés dans son lit. Un corps de 3000 Romains les prit par derrière et décida de leur défaite. Selon l'évaluation la plus modérée, le nombre des barbares pris ou tués fut de 100 000. La vallée engraissée de leur sang devint célèbre par sa fertilité. Les habitants du pays n'enfermés n'étayaient leurs vignes qu'avec des eaux de mort. Les villages de Pourrières rappellent encore aujourd'hui le nom donné à la plaine, Campi Putridi, champ de la putréfaction. Quant au butin, l'armée le donna tout entier à Marius qui, après un sacrifice solennel, le brûla en l'honneur des dieux. Une pyramide fut élevée à Marius, un temple à la victoire. L'église de Sainte-Victoire, qui remplaça le temple, reçut jusqu'à la Révolution française une procession annuelle dont l'usage ne s'était jamais interrompu. La pyramide subsista jusqu'au XVe siècle, et Pourrières avait pris pour armoirie le triomphe de Marius représenté sur un des bas-reliefs dont ce monument était orné. Cependant, les Cimbres, ayant passé les Alpes noriques, étaient descendus dans la vallée de l'Adige. Les soldats de Catalus ne les voyaient qu'avec terreur se jouer, presque nus, au milieu des glaces, et se laisser glisser sur leurs boucliers du haut des Alpes à travers les précipices. Catalus, général méthodique, se croyait en sûreté derrière l'Adige, couvert par un petit fort. Il pensait que les ennemis s'amuseraient à le forcer. Ils entassèrent des rochers, jetèrent toute une forêt par-dessus et passèrent. Les Romains s'enfuirent et ne s'arrêtèrent que derrière le pot. Les Cimbres ne songeaient pas à les poursuivre. En attendant l'arrivée des Teutons, ils jouirent du ciel et du sol italien et se laissèrent vaincre aux douceurs de la belle et molle contrée. Le vin, le pain, tout était nouveau pour ces barbares. Ils fondaient sous le soleil du midi et sous l'action de la civilisation plus énervante encore. Marius eut le temps de joindre son collègue. Il reçut des députés des Cimbres qui voulaient gagner du temps. « Donnez-nous, disait-il, des terres pour nous et pour nos frères les Teutons. » « Laissez-la vos frères, répondit Marius. Ils ont des terres. Nous leur en avons donné qu'ils garderont éternellement. » Et comme les Cimbres le menaçaient de l'arrivée des Teutons, « Ils sont ici, dit-il. Il ne serait pas bien de partir sans les saluer. » Et il fit amener les captifs. Les Cimbres ayant demandé quel jour et en quel lieu ils voulaient combattre pour savoir à qui serait l'Italie, il leur donna rendez-vous pour le troisième jour dans un champ, près de Verceil. Marius s'était placé de manière à tourner contre l'ennemi le vent, la poussière et les rayons ardents d'un soleil de juillet. L'infanterie des Cimbres formait un énorme carré dont les premiers rangs étaient liés tous ensemble avec des chaînes de fer. Leur cavalerie, forte de 15 000 hommes, était effrayante à voir avec ses casques chargés de mufles d'animaux sauvages et surmontés d'ailes d'oiseaux. Le camp et l'armée barbare occupaient une lieue en longueur. Au commencement, l'aile où se tenait Marius, ayant cru voir fuir la cavalerie ennemie, s'élança à sa poursuite et s'égara dans la poussière, tandis que l'infanterie ennemie, semblable aux vagues d'une mer immense, venait se briser sur le centre où se tenaient Catulus et Sylla, et alors tout se perdit dans une nuée de poudre. La poussière et le soleil méritèrent le principal honneur de la victoire. restait le camp barbare, les femmes et les enfants des vaincus. D'abord, revêtues d'habits de deuil, elles supplièrent qu'on leur promît de les respecter et qu'on les donnât pour esclaves aux prêtresses romaines du feu. Le culte des éléments existait dans la Germanie. Puis, voyant leurs prières reçues avec dérision, elles pourvurent elles-mêmes à leur liberté. Le mariage chez ces peuples était chose sérieuse. Les présents symboliques des noces, les bœufs attelés, les armes, le coursier de guerre, annonçaient assez à la Vierge qu'elle devenait la compagne des périls de l'homme, qu'ils étaient unis dans une même destinée, à la vie et à la mort. Sic vivendum, sic pereundum. Tacite. C'est à son épouse que le guerrier rapportait ses blessures après la bataille. Ad matres et coniuges vulnera referunt, nec illae numerare aut exigere plagas pavent. Elle les comptait, les sondait sans pâlir, car la mort ne devait point les séparer. Ainsi, dans les poèmes scandinaves, Brunhild se brûle sur le corps de Siegfried. D'abord, les femmes des Cimbres affranchirent leurs enfants par la mort. Elles les étranglèrent ou les jetèrent sous les roues des chariots. Puis elles se pendaient, s'attachaient par un nœud coulant aux cornes des bœufs et les piquaient ensuite pour se faire écraser. Les chiens de la horde défendirent leurs cadavres. Il fallut les exterminer à coups de flèche. Ainsi s'évanouit cette terrible apparition du Nord qui avait jeté tant d'épouvante dans l'Italie. Le mot « cimbrique » resta synonyme de fort et de terrible. Toutefois, Rome ne sentit point le génie héroïque de ses nations qui devait un jour la détruire. Elle crut à son éternité. Les prisonniers qu'on put faire sur les Cimbres furent distribués aux villes comme esclaves publics ou dévoués aux combats de gladiateurs. Marius fit ciseler sur son bouclier la figure d'un Gaulois tirant la langue, image populaire à Rome dès le temps de Torquatus. Le peuple l'appela le troisième fondateur de Rome, après Romulus et Camille. On faisait des libations au nom de Marius, comme en l'honneur de Bacchus ou de Jupiter. Lui-même, enivré de sa victoire sur les barbares du Nord et du Midi, sur la Germanie et sur les Indes africaines, ne buvait plus que dans cette coupe à deux anses, où, selon la tradition, Bacchus avait bu après sa victoire des Indes.